Comment le brigadier Gérard se conduisit à Waterloo? Par Arthur Conan Doyle. Chapitre 1er. L'auberge dans la forêt. De toutes les grandes batailles où j'eus l'honneur de mettre sabre au clair pour l'empereur et la France, pas une ne fut perdue. À Waterloo, bien qu'en un sens j'y fusse présent, je ne pus combattre et l'ennemi remporta la victoire. Ce n'est pas à moi de voir un rapport entre ces deux faits. Vous me connaissez trop pour m'attribuer une prétention pareille. Mais la coïncidence ne donne pas moins à réfléchir. D'autres en ont tiré pour moi des conclusions flatteuses. En somme, pour que la journée tournât à notre avantage, il eût suffi de briser quelques carrés anglais. Et si les hussards de Conflans, Étienne Gérard en tête, n'y avaient point réussi, c'est qu'évidemment les meilleurs juges se trompent. Passons. Les destins avaient décidé d'arrêter ma main et d'abattre l'Empire. Mais ils avaient décrété en même temps que ce sombre jour me fournirait une occasion de m'illustrer comme je ne l'avais encore jamais fait quand, sur les ailes de la victoire, je volais de Boulogne à Vienne. Jamais je ne brillais d'un si vif éclat qu'à cette minute suprême où tombaient autour de moi les ténèbres. Vous savez que, fidèle à l'empereur dans l'adversité, je refusais d'engager aux Bourbons mon épée et ma parole. Désormais, je ne devais plus sentir un cheval entre mes genoux, ni trotter en avant de mes petits bougres, au ronflement des timbales, au son des trompettes d'argent. Eh bien, cela me remonte le cœur, mes amis, cela me met des larmes aux yeux de songer combien fut grande la fin de ma carrière, et de me rappeler qu'entre tous les exploits qui m'ont valu l'amour de tant de jolies femmes, le respect de tant de nobles hommes, il n'y en eut aucun de comparable par la splendeur, par l'audace, par l'importance des résultats obtenus, à ma chevauchée de la nuit du 18 juin 1815. Cette histoire, je le sais, a couru les tables de messe et les chambrées. Dans l'armée, il n'y a guère personne qui l'ignore. Mais la modestie a toujours scellé mes lèvres. Aujourd'hui, je me laisserai aller entre nous à vous raconter les faits. Mais d'abord, je puis vous assurer d'une chose, c'est qu'à nulle époque, Napoléon n'eut une armée aussi magnifique. En 1813, la France était épuisée. Pour un vétéran, il y avait 5 conscrits, des Marie-Louise, comme nous disions, à cause de l'impératrice, qui s'occupait elle-même des levées pendant que l'empereur tenait la campagne. Quelle différence en 1815! Les prisonniers étaient tous revenus. Qui des neiges russes, qui des donjons espagnols, qui des pontons britanniques. Survivant redoutable de 20 batailles, ils brûlaient du désir de reprendre le collier. Ils avaient le cœur plein de haine et de rancune. On ne voyait dans les rangs que des troupiers à 2 ou 3 chevrons, dont chacun représentait 5 ans de service. Leur état d'esprit avait quelque chose de terrible. C'était des furieux, des enragés, des fanatiques, adorant l'empereur comme un mamelouk son prophète, prêts à se jeter sur leur propre baïonnette s'il leur avait fallu leur sang. Rien qu'à les voir, ces farouches grognards marchaient la bataille avec leurs faces congestionnées, leurs yeux hagards, leurs cris déments. Vous n'auriez pas douté que tout plia devant eux. Telle était en ce moment l'âme de la France, qu'elle aurait dû faire trembler le monde. Mais les Anglais, eux, n'ont pas d'âme. Ce qu'ils ont à la place, c'est un bœuf solide, inébranlable, auquel nous nous attaquâmes en vain. Oui, mes amis, d'un côté la poésie, la bravoure, le sacrifice de soi-même, tout ce qui est beau, héroïque, de l'autre, un bœuf. Nos espérances, nos rêves, notre idéal, tout alla se briser contre ce terrible bœuf de la vieille Angleterre. Vous avez lu comment, l'empereur ayant réuni ses forces, nous courûmes, lui et moi, avec 130 000 vétérans à la frontière du Nord, pour tomber sur les Prussiens et les Anglais. Le 16 juin, Ney occupait les Anglais aux 4 bras, pendant que nous défusions les Prussiens à Ligny. Je n'ai pas eu à dire dans quelle mesure je contribuais au succès, mais on sait que les hussards de Conflans se couvrirent de gloire. Ils se battaient bien, ces Prussiens, et 8 000 d'entre eux restèrent sur le champ de bataille. L'empereur, estimant qu'il en avait fini avec eux, lança le général Grouchy à leur trousse, avec 22 000 hommes, pour les empêcher de contrecarrer ses plans. Puis, emmenant avec lui tout près de 80 000 hommes, il se tourna vers ses godames d'Anglais. Que n'avions-nous pas à leur faire payer, nous, Français? Les guinées de Pitt, les pontons de Portsmouth, l'invasion de Wellington, les perfides victoires de Nelson. Le jour du châtiment semblait enfin luire pour eux. Wellington avait sous ses ordres 67 000 hommes, dont on savait que la moitié étaient des Hollandais et des Belges, peu animés du désir de se mesurer avec nous. Par le fait, il ne comptait pas 50 000 hommes de bonne troupe. L'idée de se trouver en présence de l'empereur lui-même le paralysa au point qu'il ne put se mouvoir ni mouvoir son armée. Vous avez vu le lapin quand le serpent s'approche. Ainsi les Anglais s'arrêtèrent sur la crête de Waterloo. La nuit d'avant, l'empereur, ayant perdu un aide-de-camp à Ligny, m'avait donné l'ordre de joindre son état-major et j'avais quitté mes hussards, passant le commandement au chef d'escadron Victor. Je ne sais, de mes hommes ou de moi, qui ressentit le plus vivement cette séparation à la veille de la bataille. Mais un ordre est un ordre, un bon soldat n'a le droit que de se résigner à l'obéissance. Le matin du 18, je reconnus à cheval avec l'empereur le front de la position ennemie. Il l'inspectait de sa lunette, combinant ses plans en vue d'infliger à Wellington la destruction la plus rapide et la plus complète. Soult était près de lui ainsi que Ney, Foy et d'autres qui avaient combattu les Anglais en Portugal et en Espagne. « Prenez garde, sire, lui avait dit Soult, l'infanterie anglaise est très solide. »« Vous les croyez de bons soldats parce qu'ils vous ont battus, répondit l'empereur. Et nous autres, qui étions jeunes, nous nous détournâmes pour sourire. Mais Ney et Foy demeurèrent pensifs et graves. À une portée de fusil devant nous, la ligne anglaise, tachetée de bleu et de rouge, pointillée de batteries, montait une garde silencieuse. De l'autre côté de l'étroite vallée, nos soldats, ayant pris la soupe, se rassemblaient pour le combat. Il n'avait plus averse. Mais à ce moment, le soleil dardait sur notre armée. Convertissant nos brigades de cavalerie en une nappe d'acier éblouissante et faisant fulgurer les baïonnettes des fantassins. Au spectacle de tant de beauté, de majesté, de splendeur, je ne pus me contenir. Je me levai sur mes étriers, j'agitai mon colbac. « Vive l'empereur » criai-je. Et ce cri devint une clameur, un grondement, qui se propagèrent d'un bout de la ligne à l'autre. Les cavaliers brandissaient leurs sabres, les fantassins dressaient leurs shakos à la pointe des baïonnettes. Quant aux Anglais, ils demeuraient comme pétrifiés. Ils ne doutaient pas que l'heure qui venait ne fût leur dernière heure. Elle n'eût pas manqué de l'être si l'armée avait reçu à Continent l'ordre d'avancer. Nous n'avions qu'à foncer sur l'ennemi pour le balayer de la surface de la terre. Toute question de courage mise à part, nous étions les plus nombreux, les plus aguerris, les mieux commandés. Mais l'empereur ne faisait rien qu'à sa tête. Nous perdîmes 3 heures à attendre que le sol eût séché et durci, afin que l'artillerie pût manœuvrer. 11 heures avaient sonné quand nous vîmes les colonnes de Jérôme Bonaparte s'avancer à notre gauche, cependant que le fracas des canons nous annonçait le début de la bataille. L'attaque visait une ferme tenue par la garde anglaise. Nous entendîmes les 3 cris d'effroi que ne purent s'empêcher de pousser les défenseurs. Comme néanmoins ils tenaient bon, d'Erlon s'avançait sur la droite pour attaquer un autre point de la ligne, quand notre attention fut détournée de ce qui se passait près de nous et attirée vers un endroit plus éloigné du champ de bataille. L'empereur, qui observait avec sa lunette, se tourna brusquement vers le duc de Dalmatie, autrement dit Soult, comme le nommaient de préférence les soldats. « Qu'est-ce que cela, maréchal ? » demanda-t-il. Nous suivîmes tous la direction de son regard, quelques-uns élevant leurs lunettes, d'autres se faisant un écran de la main. Il y avait là-bas un bois touffu, puis une longue pente nue, puis encore un bois. Sur la pente nue, quelque chose de noir se traînait, comme l'ombre mobile d'un nuage. « Ce doit être un troupeau, sire, » répondit Soult. Au même instant, un sentiment partit de la masse noire. « C'est Grouchy, » dit l'empereur, abaissant sa lunette. « Les Anglais sont 2 fois perdus. Je les tiens dans le creux de la main. Ils ne peuvent m'échapper. » Ses yeux parurent chercher autour de lui, alors m'apercevant. « Ah ! » fit-il, « voilà le roi des messagers. Êtes-vous bien monté, colonel Gérard ?» Je lui dis que je montais ma petite Violette, orgueil de la brigade. « Partez à Franquetrier, rejoignez le maréchal Grouchy, dont vous voyez là-bas les troupes. Dites-lui de tomber sur le flanc gauche et l'arrière des Anglais pendant que je les attaque de front. Nous les écraserons, entre lui et moi, d'une telle manière qu'ils ne sauveront pas un homme. » Je saluai sans mot dire et piquai Violette. Le cœur me dansait de joie à l'idée de la mission qui m'était confiée. Tout en galopant, je regardais s'allonger, sous la fumée de la canonnade, l'imposante ligne bleue et rouge, et je lui montrai le point. nous les écraserons de telle manière qu'ils ne sauveront pas un homme. » Ces paroles de l'empereur, j'allais, moi, Étienne Gérard, les convertir en actes. Dans ma hâte d'arriver au maréchal, je pensais un moment à traverser l'aile gauche anglaise pour prendre par le plus court. Ce n'eût pas été le premier ni le plus hardi de mes coups de das. Mais je réfléchis que si l'affaire tournait mal pour moi, si j'étais tué ou pris, ma mission ne s'accomplirait pas et les plans de l'empereur en seraient contrariés. Je passai donc en avant de nos cavaliers, chasseurs, lanciers de la garde, carabiniers, grenadiers à cheval. Les derniers que je vis furent mes petits bougres. Leurs yeux m'accompagnèrent d'une expression de regret. Derrière la cavalerie était rangée la garde. 12 régiments de vétérans, sombres, sévères dans leurs longues capotes bleues, avec leurs grands oursons d'où les plumets avaient disparu. Chacun d'eux portait dans son havre sac de peau l'uniforme bleu et blanc qu'il revêtirait le lendemain pour l'entrée à Bruxelles. Je les examinais au passage. Devant ces figures marquées par tous les climats, devant ces attitudes rigides et muettes, « Jamais ces hommes n'ont été battus, me dis-je, jamais ils ne le seront. Comment ai-je prévu, grand Dieu, ce que nous réservait l'heure prochaine ?» À la droite de la vieille garde se tenait la jeune garde et le 6e corps de Lobau. Jacquinot avec ses lanciers, Marbot avec ses hussards, formaient l'extrémité de la ligne. Nulle part on ne savait rien du corps qui nous arrivait à travers les bois. On ne prêtait d'attention qu'à la bataille qui faisait rage sur la gauche. Le canon tonnait des deux côtés. Le vacarme était si grand que de toutes les batailles auxquelles j'ai assisté, je ne m'en rappelle guère qu'une douzaine d'aussi bruyantes. En tournant la tête, je vis deux brigades de cuirassiers, l'une anglaise, l'autre française, dévalait la colline. Les lames d'acier s'entrecroisaient au-dessus d'elles comme les éclairs d'un ciel d'été. Ah, pouvoir tourner bride et me lancer dans la mêlée avec Violette, suivi de mes hussards. Quel tableau! Étienne Gérard présentait le dos à la bataille quand se livrait une belle action de cavalerie. Mais le devoir est le devoir. Une fois dépassées les vedettes de Marbot, je pris la direction du bois, laissant le village de Frichermont sur ma gauche. Le bois, qu'on appelait le bois de Paris, consistait essentiellement en une futaie de chênes sous laquelle circulaient des sentiers. Je fis halte en arrivant et j'écoutais. Mais de ces obscures profondeurs, il ne m'arrivait aucune sonnerie de trompette, aucun grincement de roues, aucun piétinement de chevaux, annonciateur de la grande colonne que j'avais pourtant, de mes propres yeux, vue en marche. La bataille rugissait derrière moi. Devant, tout demeurait silencieux, comme la tombe où allaient bientôt dormir tant de braves. Les arceaux de feuillage interceptaient le soleil. Du sol détrempé s'élevait une odeur lourde et humide. Je fis au galop plusieurs kilomètres, dans des conditions où peu de cavaliers se risqueraient. Menacé de buter sur des racines ou de donner du front contre les branches. Enfin, j'entrevis l'avant-garde de Grouchy. Sur ma droite et sur ma gauche, des patrouilles de hussards passèrent à quelque distance entre les arbres. J'entendis des roulements de tambours et cette rumeur sourde, profonde, qui signale l'approche d'une armée. Je pouvais, d'un moment à l'autre, rencontrer l'état-major et me trouver en position de transmettre à Grouchy l'ordre de l'empereur. Car je savais qu'en pareil cas, un maréchal de France devait accompagner son avant-garde. Soudain, le bois s'éclaircit. Je compris à ma grande satisfaction que j'allais déboucher en terrain libre. De là, je pourrais voir l'armée et chercher le maréchal. À l'endroit où le petit chemin se dégageait d'entre les arbres, il y avait une auberge à l'usage des bûcherons et des rouliers. Ayant poussé mon cheval jusque devant la porte, je regardai le pays qui se déroulait sous mes yeux. Un second bois, très étendu, apparaissait à la distance de quelques kilomètres. C'était le bois de Saint-Lambert, d'où l'empereur avait vu sortir les troupes. Je m'expliquai sans peine à présent que s'ils avaient mis ainsi longtemps à passer d'un bois dans l'autre, c'était qu'entre les deux il leur fallait traverser le profond ravin des Lannes. Je tenais pour certain qu'une forte colonne de cavalerie, d'infanterie et d'artillerie descendait et remontait encore les pentes à l'heure où déjà son avant-garde atteignait l'extrémité opposée du bois que je venais de quitter. Une batterie d'artillerie suivait la route. J'allais la rejoindre au galop pour savoir, de l'officier qui la commandait, où je pourrais trouver le maréchal, quand je m'avisai que les canonniers étaient vêtus de bleu et n'avaient point de dolman à brandebourg rouge comme en portaient les nôtres. Tandis que je les considérais avec surprise, une main me touchait la cuisse. Le maître de l'auberge s'était comme jeté sur moi. « Fou ! Me cria-t-il. Fou que vous êtes ! Que faites-vous là ? Je cherche le maréchal Grouchy. Vous êtes en pleine armée prussienne, demi-tour, fuyez !»« Impossible, ceci est le corps de Grouchy. » Insistai-je. « Comment le savez-vous ? Je le tiens de l'empereur lui-même. » L'empereur fait une terrible méprise. Une patrouille de hussards silésiens me quitte à l'instant. Ne l'avez-vous pas vu dans les bois ? J'ai vu des hussards. Ennemis ! Où est Grouchy ? Ils l'ont laissé derrière. Alors comment voulez-vous que je revienne ? En poursuivant ma route, je cours encore la chance de voir le maréchal. J'ai l'ordre de le trouver. Il faut que je le trouve. L'homme réfléchit une seconde. Vite, vite ! S'écria-t-il en poignant Violette par la bride. Faites ce que je vous dis. Peut-être réussirez-vous à vous sauver. L'ennemi ne vous a pas encore aperçu. Venez avec moi. Je vous cacherai jusqu'à ce qu'il soit loin. » Derrière la maison était une écurie basse. L'homme y poussa Violette. Puis, moitié me conduisant, moitié me tirant, il me fit entrer dans sa cuisine. C'était une pièce nue, carrelée de briques. Une grosse femme rubiconde grillait des côtelettes sur le foyer. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-elle en même temps que les sourcils froncés. Elle interrogeait tour à tour du regard mon guide et moi-même. « Qu'amenez-vous là ? » « Un officier français, Marie. Nous ne pouvons permettre que les Prussiens le prennent. Pourquoi ? Pourquoi ? Sacré nom d'un chien ! N'ai-je pas été soldat de Napoléon ? N'ai-je pas gagné un fusil d'honneur chez les Bélites de la garde ? Souffrirais-je que devant moi on fasse prisonnier un camarade ? Marie, nous devons le sauver. » Mais la femme me regardait sans tendresse. « Pierre Charras, dit-elle, vous ne vous tiendrez tranquille que lorsqu'on aura brûlé votre toit. Ne comprenez-vous pas, imbécile ? Que si vous avez combattu pour Napoléon, c'est qu'il était maître de la Belgique. Il ne l'est plus. Les Prussiens sont nos alliés et il est notre ennemi. Je ne veux pas de Français chez moi qu'il décampe. » L'aubergiste, tout désemparé, se grattait la tête. Assurément, ce n'était ni de la France ni de la Belgique que se préoccupait cette femme, mais simplement du salut de sa maison. « Madame, fis-je alors, avec toute la dignité, toute la fermeté dont j'étais capable, l'empereur, dès avant ce soir, aura défait les Anglais. Et vous verrez ici l'armée française. Si vous vous conduisez bien envers moi, vous serez récompensé. Si vous me dénoncez, vous serez puni, et le grand prévôt fera brûler votre maison. » Voyant l'émotion que lui causaient ces paroles, je me hâtais de pousser mon avantage. « Quand on est si belle, continuai-je, on ne saurait avoir un cœur insensible. Vous m'accorderez le refuge dont j'ai besoin. » Elle regarda mes pattes de lapin et je vis qu'elle s'adoucissait. Je lui pris la main. Au bout de 2 minutes, nous étions en si bons termes que son mari se fâcha, jurant que si j'allais plus loin, il me mettrait lui-même à la porte. « N'oubliez pas que la route est infestée de Prussiens !» me cria-t-il. « Allons, vite, au grenier !»« Au grenier, vite, vite !» répéta la femme. Une trappe s'ouvrait dans le plafond. Tous les deux m'entraînèrent vers l'échelle. À ce moment, la porte résonna sous de grands coups. Vous jugez si j'eus hâte de m'engager dans l'ouverture. Je n'en avais pas plutôt rabattu le couvercle que j'entendis dans la cuisine, au-dessous de moi, des voix germaniques. Le lieu où je me trouvais était un long grenier mansardé, n'ayant que la toiture pour plafond. Il courait sur tout un côté de la maison. Par les interstices des planches, je pouvais voir ce qui se passait non seulement dans la cuisine, mais dans le salon et jusque dans la salle commune. Point de fenêtre, mais le toit, tout délabré, avait entre ses ardoises de nombreux jours qui me donnaient de la lumière et me permettaient d'observer au dehors. Un coin du grenier était réservé au fourrage. Dans le coin opposé s'empilait une énorme quantité de bouteilles vides. Nulle autre issue que la trappe par où j'étais entré. Je m'assis sur le foin et me mis à tirer des plans. C'était chose grave que les Prussiens dussent intervenir dans la bataille avant nos réserves. Il semblait d'ailleurs n'être pas plus d'un corps d'armée, et pour un homme comme l'empereur, un corps de plus ou de moins ne fait pas grande différence. Mais en dépit de ce renfort, il était de taille à battre encore les Anglais. Pour moi, je n'avais qu'une façon de le servir, attendre que les Prussiens eussent passé, puisque Grouchy venait derrière eux, puis repartir, voir le maréchal et m'acquitter de mon message. Si, au lieu de continuer à suivre les Prussiens, le maréchal attaquait les Anglais dans le dos, tout irait bien. De mon jugement et de mes nerfs dépendait le sort de la France. Ce n'était pas la première fois, vous le savez, mes amis. Et vous savez aussi que je pouvais avoir une confiance absolue dans mes nerfs et dans mon jugement. Ils ne me feraient pas faux bond. L'empereur avait bien choisi son homme. Le roi des messagers, avait-il dit de moi. Je saurais justifier ce titre. De toute évidence, je ne pouvais rien faire tant que les Prussiens ne seraient point passés. J'employai donc mon temps à les observer. J'aime peu ces gens-là, mais je suis forcé de reconnaître leur discipline. Pas un n'entra dans l'auberge, bien qu'ils eussent tous les lèvres enduites de poussière et qu'ils fussent près de tomber de fatigue. Ceux que nous avions entendus frapper apportaient un camarade inanimé, qu'ils laissèrent pour reprendre aussitôt leur rang. On en apporta plusieurs de la même manière. On les déposa dans la cuisine. Un tout jeune chirurgien, presque un enfant, resta seul auprès d'eux. Quand j'eus suffisamment regardé par les fentes du plancher, je tournai mon attention vers les brèches de la toiture, qui m'offraient, comme je l'ai dit, autant d'excellents observatoires. Les Prussiens continuaient de passer. Il était visible qu'ils avaient fourni une terrible marche. Les hommes avaient tous des mines de spectre. Ils étaient, de la tête aux pieds, recouverts d'une croûte de boue, par suite des chutes qu'ils avaient faites sur des routes détrempées et glissantes. Leur morale avait résisté aux épreuves. Ils s'attelaient aux caissons quand les roues s'enfonçaient jusqu'au moyeu dans la fange et que les chevaux, à bout de force, embourbés eux-mêmes jusqu'aux genoux, ne parvenaient pas à les dégager. Les officiers parcouraient d'un bout à l'autre la colonne, encourageant par des éloges les plus énergiques, activant les traînards à coups de plats de sabre. Par-dessus les bois qui s'étendaient devant eux, l'effroyable grondement de la bataille montait sans trêve, comme si tous les fleuves du monde s'étaient réunis pour former une gigantesque et retentissante cataracte. Et de même qu'au-dessus d'une cataracte s'élève un rideau de brume liquide, ainsi un voile de fumée s'élevait au-dessus des arbres. Les officiers n'avaient qu'à le montrer du bout de leurs épées. Aussitôt, dans leurs carapaces de boue, exhalant de leurs gorges altérées des cris rauques, les hommes poussaient d'un nouvel effort vers la bataille. Ils défilèrent ainsi pendant une heure, ce qui me fit croire que leur avant-garde avait déjà dû prendre contact avec les vedettes de Marbeau et que l'empereur n'ignorait plus leur arrivée. « Vous êtes bien pressés de faire le chemin, mes amis, » me dis-je à moi-même. « Vous seriez encore plus pressés de le refaire en sens inverse, » et je me consolais avec cette idée. Un incident se produisit alors qui va rompre la monotonie de ma longue attente. Assis à mon poste improvisé, je me félicitais que le corps prussien eût à peu près passé et que la route dût bientôt être libre quand les éclats d'une violente altercation m'arrivèrent de la cuisine. On se disputait en français. « Vous ne montrez pas !» criait une voix de femme. « Si !» répondait une voix d'homme. Il y eut un bruit de lutte. Instantanément, je collai mon oreille au plancher. La femme de l'aubergiste, pareille à un fidèle chien de garde, se campait au bas de l'échelle. Cependant, blême de colère, le jeune chirurgien allemand s'efforçait d'y grimper. Plusieurs des soldats, revenus de leur prostration, s'étaient dressés sur leur séant. Et ils assistaient au débat avec une sorte d'attention stupide. Je n'apercevais nulle part l'aubergiste lui-même. « Il n'y a pas de liqueur là-haut, » dit la femme. « Ce n'est pas des liqueurs qu'il me faut, c'est du foin ou de la paille pour coucher mes hommes. Pourquoi coucherait-il sur le carreau quand vous avez là-haut de la paille? Je n'ai point de paille. » Qu'est-ce que vous mettez donc au grenier? Des bouteilles vides. » Le chirurgien semblait prêt de renoncer à son intention quand un soldat lui indiqua un endroit du plafond où j'imagine que des brins de paille sortaient d'entre les planches. En vain, la femme protesta. Deux des soldats, qui avaient eu la force de se relever, la maintinrent pendant que le jeune chirurgien s'élançait sur l'échelle, ouvrait la trappe et sautait dans le grenier. Au moment où il soulevait le couvercle, je m'étais glissé par derrière. Ma chance voulut qu'à peine entré, il le rabattit. Nous nous trouvâmes face à face. Jamais je ne vis jeune homme plus effaré. « Un officier français, » fit-il, la bouche bée. « Chut, » dis-je, « chut pas un mot, si ce n'est à voix basse. » J'avais mis sabre au clair. « Mais je ne suis pas un combattant, moi, » protesta-t-il. « Je suis médecin. Pourquoi me menacez-vous? Je n'ai pas d'armes. Je ne vous veux pas de mal. Je me cache ici. J'ai à me défendre. Un espion ne porte pas mon uniforme. On ne trouve pas d'espion dans l'état-major d'une armée. J'ai donné par mégarde au milieu de votre corps prussien. J'attends qu'il soit passé. Ne vous occupez pas de moi et je ne m'occuperai pas de vous. Mais vous ne sortirez vivant de ce grenier que si vous me promettez de vous taire sur ma présence. Remettez votre sabre au fourreau, monsieur, me dit le jeune homme en clignant amicalement de l'œil. Je suis polonais de naissance. Je n'ai de mauvais sentiments ni à votre égard ni à l'égard de vos compatriotes. Je fais de mon mieux pour les blessés que je soigne. J'entends bien m'en tenir là. Capturer des hussards n'entre pas dans les obligations d'un chirurgien. Avec votre permission, je vais descendre de cette botte de foin pour y coucher mes hommes. » J'avais songé à exiger de lui un serment, mais je sais de bonne science qu'un homme décidé à mentir ne s'embarrasse point d'un parjure. J'eus donc garde d'insister. Il rouvrit la trappe en ne remontant le couvercle que de façon à dégager suffisamment l'ouverture, puis il redescendit l'échelle en le laissant retomber. Je le surveillais d'un œil inquiet tandis qu'il rejoignait ses malades. Ma brave amie, la dame de l'auberge, faisait de même. Il ne dit rien d'ailleurs et se contenta de pourvoir aux besoins des hommes. Entre-temps, les derniers éléments du corps prussien avaient dû passer. Je regagnai mon poste d'observation, espérant trouver le chemin libre, à quelques traînards près, dont je n'aurais pas à tenir compte. Effectivement, le corps était passé. Je voyais ses dernières compagnies disparaître dans les bois. Mais concevez mon désappointement lorsque du bois de Saint-Lambert, j'en vis sortir un deuxième, et non moins considérable. Sans aucun doute, l'armée prussienne, que nous pensions avoir détruite à Ligny, revenait se jeter tout entière sur notre aile droite, pendant que le maréchal Grouchy se laissait fourvoyer dans quelque folle équipée. Le grondement plus proche de la canonnade me disait que les batteries prussiennes commençaient d'entrer en action. Quelle situation que la mienne! Les heures succédaient aux heures, le soleil s'abaissait vers l'ouest. J'étais dans cette maudite auberge, comme sur un îlot battu par la furieuse montée de la marée prussienne. Il importait souverainement que je parvinsse à joindre le maréchal. Et comment mettre le nez dehors sans me faire prendre? Vous pensez si je jurais, si je m'arrachais les cheveux? Combien peu nous prévoyons ce que la minute à venir nous réserve? Tandis que je pestais contre les rigueurs de la fortune, cette même fortune m'assignait une tâche autrement plus haute que celle de porter un message à Grouchy, une tâche que je n'aurais jamais eu à remplir si je ne m'étais trouvé enfermé dans cette petite auberge à la lisière du bois de Paris. Deux corps prussiens étaient passés, un troisième arrivait à la suite, quand j'entendis venir du salon un grand bruit accompagné de la rumeur de plusieurs voix. Je n'eus, pour me rendre compte de ce qui se passait, qu'à changer de place et à regarder au-dessous de moi par une fente. Il y avait dans le salon deux généraux prussiens, que des aides de camp et des officiers d'état-major entouraient en silence. Ils étudiaient une carte posée sur la table, mais tandis que l'un d'eux, vieillard à la mine brutale, ridé, blanc de cheveux, la moustache grise en désordre, tapé du pied, tempêtait, sacré comme un hussard, d'une voix rauque, qui tenait de l'aboiement. L'autre, plus jeune, le visage long et grave, mesurait, de l'air tranquille d'un savant, des distances sur la carte. C'était une étrange chose que le contraste de ce vieillard furibond et de ce jeune homme si calme. Je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, mais j'en saisissais les grandes lignes. « Je vous dis d'aller de l'avant, toujours de l'avant !» s'écria le vieux en proférant un juron. « J'ai promis à Wellington d'être là avec toute l'armée, dût-on me lier à mon cheval. Le corps de Bülow est engagé. Celui de Zieten l'appuiera de son dernier canon, de son dernier homme. En avant, Gneisenau, en avant !» L'autre hocha la tête. « Prenez garde, Excellence, que si les Anglais sont battus, ils se replieront sur la côte. Quelle sera notre situation avec Grouchy entre nous et le Rhin ? Nous battrons les Français, Gneisenau. Le duc et moi les réduirons en poudre. Allez de l'avant, vous dis-je. Nous terminerons la guerre d'un seul coup. Faites avancer Pirch, et nous jetterons 60 000 hommes dans la balance, pendant que Tillman contiendra Grouchy derrière Bavre. » Gneisenau leva les épaules. À ce moment, un officier d'ordonnance se présentait à la porte. « Un aide du camp du général Wellington, » annonça-t-il. « Ah ah !» fit le vieux. « Qu'a-t-il à nous dire ?» L'officier entra. Il marchait à grand-peine. Le sang se mêlait à la boue sur sa veste rouge. Il avait noué autour de son bras un mouchoir ensanglanté et dut, pour ne pas tomber, se retenir à la table. « J'apporte un message au maréchal Blücher, » dit-il. « Je suis le maréchal Blücher. Allez, allez !» cria l'impatient vieillard. « Le duc m'a chargé de vous faire savoir, monsieur, que l'armée anglaise est en état de briser tous les assauts et qu'il n'a pas de crainte pour l'issue de la bataille. La cavalerie française est détruite, deux divisions d'infanterie sont anéanties, seule la garde reste en réserve. Pour peu que vous nous appuyiez énergiquement, la défaite de l'ennemi peut se changer en déroute et... » Ses genoux fléchirent, il tomba lourdement sur le plancher. « Assez parlé !» vociféra Blücher. « Assez parlé ! Gneisenau, envoyez un aide-de-camp à Wellington. Mandez-lui qu'il peut absolument compter sur moi. Venez, monsieur, nous avons de quoi faire. » Et dardard, il sortit de la pièce, son état-major le suivant dans un cliquetis de ferraille. Deux officiers d'ordonnance remirent leur camarade anglais aux soins du chirurgien. Cependant, Gneisenau, le chef d'état-major, restait un peu en arrière, posait sa main sur l'épaule d'un des aides-de-camp. Ce dernier avait attiré mon attention, car en tout temps, je suivis distinguer un bel homme. Il était grand et mince, le type accompli du cavalier. En bref, il avait dans toute sa personne je ne sais quoi par où il me ressemblait. Figurez-vous un visage brun, le profil aigu d'un faucon, des yeux noirs pleins de feu, des sourcils touffus et une moustache qui lui méritait une place dans le plus fringant de mes escadrons. Il portait un habit vert à retroussis blancs et un casque orné d'une crinière. C'était, à ce que je présumais, un dragon, et dans tous les cas, le plus brillant cavalier qu'on eût souhaité de trouver à la pointe de son sabre. « Un mot, comte Stein, lui dit Gneisenau. Que l'ennemi soit mis en déroute, nous n'aurons encore rien fait si l'empereur s'échappe. Mettons la main sur l'empereur et nous aurons terminé la guerre. Un résultat pareil vaut un grand effort et justifie un grand risque. » Le jeune dragon garda le silence, mais il était manifestement intéressé. Supposez que le duc de Wellington ait raison et que l'armée française soit rejetée en désordre du champ de bataille. L'empereur prendra certainement le chemin de Genappe et de Charleroi. C'est le plus court dans la direction de la frontière. Nous pouvons admettre qu'il aura des chevaux de choix et que les fuyards lui livreront passage. Notre cavalerie talonnera l'ennemi en retraite, mais l'empereur sera loin de la mêlée. Le jeune dragon inclina la tête. Comte Stein, à vous l'empereur. Si vous le prenez, votre nom vivra dans l'histoire. On vous réputera le meilleur cavalier de l'armée. Prenez pour vous accompagner, qui vous plaira, 10 ou 12 hommes, il n'en faudrait pas plus. Ne vous engagez pas dans la bataille ni dans la poursuite. Gardez la liberté de vos mouvements. Réservez-vous pour une fin plus noble. Vous me comprenez. De nouveau, le dragon s'inclina. Son silence m'impressionnait. Il y avait là un homme redoutable. Je vous abandonne les détails de l'entreprise. Ne visez qu'au plus haut. Vous ne pouvez manquer de reconnaître la voiture impériale et la personne de l'empereur. Mais il faut que je rejoigne le maréchal. Si je vous revois, ce sera, j'espère, pour vous complimenter d'une action dont retentira l'Europe. Le dragon salua, Gneisenau s'éloigna en toute hâte. Après s'être un instant absorbé dans ses pensées, le jeune officier suivit le chef d'état-major. Je l'épiais de mon observatoire, curieux de savoir ce qu'il allait faire. Son cheval, un balzan vigoureux et beau, de couleur baie châtain, était attaché à la rampe de l'auberge. Il bondit en selle, courut arrêter une colonne de cavalerie en train de défiler, adressa quelques mots à l'officier qui venait en tête du premier régiment, et bientôt après, deux hussards, car c'était un régiment de hussards, sortaient des rangs pour se placer aux côtés du comte. Il arrêta de même le régiment suivant, et deux lanciers s'ajoutèrent à son escorte. Le troisième régiment lui fournit deux dragons, le quatrième deux cuirassiers. Ayant alors disposé à l'écart son petit groupe, il fit former le cercle et il expliqua aux hommes ce qu'il attendait d'eux. Finalement, chefs et soldats s'éloignèrent dans la direction du bois de Paris, où ils disparurent. Inutile de vous dire, mes amis, ce que signifiait pour moi cette scène. Le comte Stein avait agi comme je l'aurais fait à sa place. Il avait demandé à chaque colonel les deux meilleurs cavaliers de son régiment, et il avait ainsi constitué une petite troupe capable de tout enlever devant elle. Plutôt ciel que l'empereur ne se trouva pas sur son chemin et sans escorte. Quant à moi, je vous laisse à concevoir ma peine, mon état de fermentation, mon délire. Certes, je ne pensais guère à Grouchy maintenant. Grouchy était loin, on n'entendait pas son canon à l'est. S'il survenait, ce ne pourrait être assez tôt pour changer le sort de la journée. Le soleil déclinait, encore 2 ou 3 heures, et s'en serait fait de la lumière. Ma mission devenait inutile. Mais dans le même temps, j'en voyais se proposer une autre, plus pressante, plus immédiate, et d'où dépendait la sécurité personnelle, peut-être la vie de l'empereur. À tout prix, au travers de tous les dangers, je devais le rejoindre. Comment ? L'armée prussienne tout entière me séparait des lignes françaises. Elle tenait toutes les routes. Était-ce à dire qu'elle put me bloquer celle du devoir quand je l'apercevais devant moi ? Je ne pouvais attendre plus longtemps, je devais partir. Le grenier n'avait, ai-je dit, d'autre ouverture que la trappe. J'ai été donc forcé, pour m'en aller, de descendre par l'échelle. Je regardais dans la cuisine. Le jeune chirurgien était toujours là. Sur une chaise était assis l'officier blessé. Deux des soldats prussiens, arrivés à la dernière limite de l'épuisement, gisaient sur la paille. On avait renvoyé les autres, suffisamment remis. Il me fallait traverser la cuisine pour retrouver ma jument. Du chirurgien, rien à craindre. L'anglais était mal en point et je voyais son sabre rangé à distance avec son manteau. Les deux Prussiens, outre qu'ils étaient à peu près sans connaissance, n'avaient pas leur fusil près d'eux. Quoi de plus simple, j'ouvris la trappe, je descendis tout doucement l'échelle et j'apparus, le sabre en main. Représentez-vous la surprise de mes gens. Le chirurgien, naturellement, savait tout. Mais à l'anglais ou aux deux Allemands, je dus faire l'effet du dieu de la guerre en personne tombé des nus dans cette cuisine. Quel spectacle j'offrais, sans doute, digne de tous les regards, avec ma prestance et ma mine, mon uniforme argent et gris, mon glaive nu. Les deux Allemands, médusés, écarquillaient les prunelles. L'officier anglais voulut se lever, mais sa faiblesse l'obligea de se rasseoir, la bouche ouverte, une main sur le dossier de sa chaise. « Par le diable ! » fit-il, « par le diable ! Veuillez ne pas bouger, lui dis-je, je n'attaquerai personne, mais malheur à qui voudrait mettre la main sur moi. Vous n'avez rien à craindre si vous me laissez tranquille, rien à espérer si vous essayez de m'arrêter. Je suis le colonel Étienne Gérard, des hussards de Conflans. « Par le diable ! » répéta l'anglais, « vous êtes l'homme qui tua le renard. » Un nuage de mauvaise humeur avait assombri son visage. Vous êtes l'homme qui tua le renard. Un nuage de mauvaise humeur avait assombri son visage. La vilaine passion qu'une jalousie de chasseur. Il me détestait, cet anglais, parce que je l'avais devancé en tuant le renard. Qu'il me ressemblait peu. Moi, je l'aurais embrassé de joie, si je l'avais vu accomplir une telle prouesse. Mais ce n'était pas l'heure d'entamer une discussion. Mille regrets, monsieur, lui dis-je. Vous avez ici votre manteau, je dois le prendre. Il voulut de nouveau se lever pour atteindre son sabre, je m'interposai. « Si vous avez quelque chose dans les poches, une boîte, » dit-il, « je n'ai pas l'intention de vous voler. » Soulevant le manteau, je tirai des poches et lui remis successivement un flacon d'argent, une boîte de bois carré et une lunette de campagne. Le scélérat ouvrit la boîte, en sortit un pistolet, puis, m'ajustant la tête, « À présent, mon beau garçon, » dit-il, « jetez là votre sabre et rendez-vous. » Je me défiais si peu d'une telle infamie que j'en fus comme paralysé. Je parlais d'honneur, de gratitude, mais par-dessus le pistolet, les yeux de l'anglais restaient durs et fixes. « Trêve de parole, jetez votre sabre !» Endurer une telle humiliation, moi, non, plutôt la mort que de me laisser ainsi désarmé. Et déjà le commandement de feu était sur mes lèvres quand l'anglais s'effaça tout à coup de ma vue. À sa place, il y avait un grand tas de foin, au centre duquel se débattait une manche d'habit rouge et deux bottes à l'écuyère. Ah, la bravotesse ! Mes pattes de lapin m'avaient sauvé. « Fuyez, militaire, fuyez !» me criait-elle, tout en continuant d'entasser le foin sur l'anglais qui, lui, continuait de se débattre. En une seconde, je fus dans la cour. Je fis sortir Violette de l'écurie et je sautai sur son dos. Une balle tirée de la fenêtre me rasa l'épaule. J'aperçus un visage furibond auquel je souris d'un air de pitié en éprenant ma monture. Le dernier soldat prussien était passé, la route s'allongeait devant moi, aussi nette que mon devoir lui-même. Si la France était victorieuse, tout allait bien. Si elle était vaincue, de ma jument et de moi dépendait ce qui comptait plus que la victoire ou la défaite, le salut et la vie de l'empereur. « Bah, Étienne Gérard, bah !» m'écriai-je. « De tous tes nobles exploits, c'est le plus grand qui te réclame. Qu'importe s'il est le dernier !»